Exode chapitre 39. Ils firent aussi de pourpre, d'écarlate, et de cramoisi, les vêtements du service, pour faire le service du sanctuaire, et ils firent les saints vêtements pour Aaron, comme l'Éternel avait commandé à Moïse. On fit donc les faux, d'or, de pourpre, d'écarlate, de cramoisi, et de fin lin retors. Or on étendit des lames d'or, et on les coupa par filets pour les brocher parmi la pourpre, l'écarlate, le cramoisi et le fin lin, d'ouvrage exquis. On fit à l'éphod des épaulières qui s'attachaient, en sorte qu'il était joint par ses deux bouts. Et le ceinturon exquis duquel il était ceint, était tiré de lui, et de même ouvrage, d'or, de pourpre, d'écarlate, de cramoisi, et de fin lin retors, comme l'Éternel avait commandé à Moïse. On enchâssa aussi les pierres d'onyx dans leurs chatons d'or, ayant les noms des enfants d'Israël gravés de gravures de cachet, et on les mit sur les épaulières de l'éphod, afin qu'elles fussent des pierres de mémorial pour les enfants d'Israël, comme l'Éternel avait commandé à Moïse. On fit aussi le pectoral d'ouvrage exquis, comme l'ouvrage de l'éphod, d'or, de pourpre, d'écarlate, de cramoisi, et de fin lin retors. On fit le pectoral carré, et double, sa longueur était d'une paume, et sa largeur d'une paume, de part et d'autre, et on le remplit de quatre rangs de pierres. À la première rangée, on mit une sardoine, une topaze et une émeraude, à la seconde rangée, une escarboucle, un saphir et un jaspe, à la troisième rangée, un ligure, une agate et une améthyste, et à la quatrième rangée, un chrysolite, un onyx et un béryl. Environnés de chatons d'or, dans leur remplage. Ainsi il y avait autant de pierres, qu'il y avait de noms des enfants d'Israël, 12, selon leur nom, chacune d'elles gravée de gravures de cachet, selon le nom qu'elles devaient porter, et elles étaient pour les 12 tribus. Et on fit sur le pectoral des chaînettes à bout, en façon de cordon, de pur or. On fit aussi deux crampons d'or, et deux anneaux d'or, et on mit les deux anneaux aux deux bouts du pectoral, et on mit les deux chaînettes d'or faites à cordon, dans les deux anneaux, à l'extrémité du pectoral, et on mit les deux autres bouts des deux chaînettes faites à cordon, aux deux crampons, sur les épaulières de l'éphod, sur le devant de l'éphod. On fit aussi deux autres anneaux d'or, et on les mit aux deux autres bouts du pectoral sur son bord, qui était du côté de l'éphod en dedans. On fit aussi deux autres anneaux d'or, et on les mit aux deux épaulières de l'éphod par le bas, répondant, sur le devant de l'éphod, à l'endroit où il se joignait au-dessus du ceinturon exquis de l'éphod, et on joignit le pectoral élevé par ses anneaux aux anneaux de l'éphod, avec un cordon de pourpre, afin qu'il tînt au-dessus du ceinturon exquis de l'éphod, et que le pectoral ne bougeât point de dessus l'éphod. Comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. On fit aussi le rochet de l'éphod d'ouvrage tissu, et entièrement de pourpre, et l'ouverture à passer la tête était au milieu du rochet, comme l'ouverture d'un corcel, et il y avait un ourlet à l'ouverture du rochet tout alentour, afin qu'il ne se déchirât point, et au bord du rochet on fit des grenades de pourpre, d'écarlate et de cramoisi, à fil retors. On fit aussi des clochettes de pur or, et on mit les clochettes entre les grenades au bord du rochet tout alentour, parmi les grenades, savoir, une clochette, puis une grenade, une clochette, puis une grenade, au bord du rocher, tout alentour, pour faire le service, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. On fit aussi à Aaron, et à ses fils, des chemises de fin lin, d'ouvrage tissu, et la tiare de fin lin, et les ornements des calottes de fin lin, et les caleçons de fin lin retors, et le baudrier de fin lin retors, de pourpre, d'écarlate, de cramoisi, d'ouvrage de broderie, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse, et la lame du saint couronnement de pur or, sur laquelle on écrivit, en écriture de gravure de cachet. La sainteté à l'Éternel. Et on mit sur elle un cordon de pourpre, pour l'appliquer à la tiare par-dessus, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage du pavillon du tabernacle d'assignation, et les enfants d'Israël firent selon toutes les choses que l'Éternel avait commandées à Moïse, ils les firent ainsi. Et ils apportèrent à Moïse le pavillon, le tabernacle, et tous ses ustensiles, ses crochets, ses ais, ses barres, ses piliers et ses soubassements, La couverture de peau de mouton teinte en rouge, et la couverture de peau de tesson, et le voile pour tendre devant le lieu très saint, l'arche du témoignage et ses barres, et le propitiatoire, la table, avec tous ses ustensiles. Et le pain de proposition, et le chandelier pur, avec toutes ses lampes arrangées et tous ses ustensiles, et l'huile du luminaire, et l'autel d'or, l'huile de l'onction, le parfum de drogue, et la tapisserie de l'entrée du tabernacle, et l'autel d'airain, avec sa grille d'airain, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve et son soubassement, et les courtines du parvis, ses piliers, ses soubassements, la tapisserie pour la porte du parvis, son cordage, ses pieux, et tous les ustensiles du service du pavillon, pour le tabernacle d'assignation, les vêtements du service, pour faire le service du sanctuaire, les saints vêtements pour Aaron, sacrificateur, et les vêtements de ses fils, pour exercer la sacrificature. Les enfants d'Israël donc firent tout l'ouvrage, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et Moïse vit tout l'ouvrage, et voici, on l'avait fait ainsi que l'Éternel l'avait commandé, on l'avait, dis-je, fait ainsi, et Moïse les bénit.